Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Shakespeare revu et corrigé par Walt Disney. D'un côté, bidet fleuri et nain en string, le jardin des Montaigu. De l'autre, fontaine en pneus et Bambi en plastique, le jardin des Capulet. Deux merveilles florales, de chic et de bon goût, qui, sitôt que plus personne ne les admire, se transforment en terrain d'opération d'une guérilla ancestrale entre bonnet bleu contre bonnet rouge. Les nains rouges et les nains bleus sont ennemis depuis toujours. Gnoméo ! Juliette, je voulais simplement te revoir. J'ai besoin de ton aide. Si mon père me demande, dis-lui que je me lave les cheveux. Sois prudente ! Je dirai à ton père que tu te laves les cheveux ! Par le réalisateur de Shrek 2, Kelly Asbury, avec une musique d'Elton John. Si vous rêvez d'aventure, entrez dans un cinéma et découvrez l'œuvre légendaire de Shakespeare en 3D. En 3D ? Comme vous ne l'avez jamais vu. Cette mission nécessite un maximum de discrétion. Ça tombe bien, je suis le champion du camouflage. Salut ! Gnoméo et Juliette. Je peux plus m'en aller. Je comprends ce que tu ressens. Non, sérieux, je suis coincé. Gnoméo et Juliette, un DVD Disney.